Remarque numéro 3, chapitre 13, diffraction. La figure de diffraction. Je vais lui décrire ce qu'on observe sur l'écran dans le cas de diffraction par une fente fine. J'ai une fente fine, comme on a l'ordre de grandeur de largeur de 1 mm. Je vais lui décrire au souffle ce qu'on voit sur l'écran. Ça veut dire qu'on connaît ces informations. On observe des taches brillantes et sombres. Brillante et sombre. Alternativement, brillante, maintenant sombre, maintenant brillante, maintenant sombre. On observe des taches brillantes et sombres situées de part et d'autre d'une tache centrale plus lumineuse. C'est-à-dire qu'on a une tache de sombre, brillante, ou plus large, yani arriba, touélie, j'ai dit, ou à la fois, à la joie, mais il y a une tache brillante ou sombre où tout le monde est aligné. Ces taches sont alignées suivant une direction. Tout le monde est aligné. Nous sommes pareils à la barbe. Nous avons l'interférence de la tache brillante ou sombre pareil à la barbe. Mais dans la figure de diffraction, nous avons un style. Mais les taches brillantes ou sombres sont à la même direction. Ou cette direction, tout le monde, mais nous parallèle à la fente. الفونت الاساسيه اللي هي مرق من خلال الليمير لا انما ملي هي الديريكسيون اورتوغونال على هالفونت يعني بيربونديكولير عليها ماشي زي هاي معلومات بدنا نثبتها مضبوط بانه في عندنا تاش بريونت سنترال هالتاش بريونت سنترال هي بلوز انتونس بلو لومينوز يعني و بلو لارج و دو بار اي دوتر دو سيت تاش اون اوبسيرف دي تاش بريونت اي سومبر الترناتيفمون وكلهم الينيي suivant une direction perpendiculaire à celle de la fonte. T'as bien hein? Ou tu vois quand même? Hadouli la tache brillante ou sombre, quand une tache centrale il est plus large, hadouli haykounu aqal largeur mena, bitla al ordre la largeur théon, hni t'aliban mikl ba'dhom, bitla al ordre de largeur, il est moitié l'ami la largeur de la tache brillante centrale. يعني إذا اعتبرنا لارجير لينير للتاش بريونت سنترال جران ال من عادة نحن بنعمل لها نوتاسيون جران ال فبيكون التاش لاترال لبريونت هن ال سور 2 كل وحدة طولها تقريبا ال سور 2 أما التاش سومبر بيطلع ديمونسيون تاعتهم تقريبا نيجليجابل التاش سومبر مثل ما حكينا انتبهوا لها إن التاش سومبر تقريبا الديمونسيون تبعت التاش سومبر هي تقريبا زيرو ما إلا لارجير بينما اللارجير لمين بيكون la tache brillante. Ça y est, c'est la description de la figure de diffraction de la fente fine. Ok.